Balo binga la bala kateo azanga mwana mawa Maye tondi na miso pona kukanisa yo Sue tondi motema o fonsi Kanza mokola limo sonne etu bandaka Poti kangai nokola tupo son berge Atondisi je ne saurais me passer de toi. Le cœur a ses raisons, la raison même ignore. Mila coupé à Sanao. Aussi pire à mission à mon pirate à l'autre. Jean-Jacques Lassalle, de kongi ya bato na kongi koi bate ona bemi sa komo na kai chim chimanga moko yo ngala suaka na kusala maso na sili saba pasi na kai moko yo ngala suaka na kusenga nzambe abengisanga na zali Nanzungu ya matongi ya bato Nazali mumwate Ona sila nanzungu ya matongi ya bato Kai chim chimanga moko yo ngala suaka na kusala maso na sili saba pasi na ngai moko yo ngala suaka na kusenga nzambe abeni sanga na zali mungwate ona sila na zungu ya matongi ya bato na zali mungwate Ona sila na nzungu ya matongi Gens de petite vertu qui se moquent du sireur et se veulent satiner. Yo Kadie, il n'y a pas de saut métier. Yo Kadie, il n'y a que de sautes gens. Yo Kadie, il n'y a pas de saut métier. Yo Kadie, il n'y a que de sautes gens. Il n'y a que de sautes gens. Gens de petite vertu qui se moquent du tailleur et se veulent bien vêtus. Yo Kadie, il n'y a pas de saut métier. Yo Kadie, il n'y a que de sautes gens. Yo Kadie, il n'y a pas de saut métier. Yo Kadie, il n'y a que de sautes gens. Il n'y a que des sautes gens. Gens de petite vertu qui se moquent du musicien mais adore la musique. Yo Kadie, il n'y a pas de saut métier. Yo Kadie, il n'y a que de sautes gens. Il n'y a que des sautes gens. Bati parfait, monte ma thank you. fostique.